110. Moins 3, 4, 4. Thank you. Thank you. Envoie-moi un petit rythme de reggae. Oh, ba ba ba ba, ya ba ba ba ba ba, pays un petit mot. Allez, vas-y, balance un petit riff de reggae. Je t'attends, wow, wow, wow. Je ne suis pas fou, je ne suis pas un menteur. Juste un être qui, comme vous, rêve de voir son peuple à la hauteur. Je ne sais pas vous, mais parfois dans mes heures sombres j'ai peur de laisser m'échapper une vie que j'aime à mes quarts d'heure. À se demander laquelle de nos vies ivresse pourrait égaler la valeur. Me raccorder celle que je dois suivre, celle qui doit m'emporter. Quand les moments de calme sont durs à trouver et que de ton monde tout est si compliqué, donne-moi la logique. Ah oui, j'en sais rien en fait. I don't know. Il est français. Oui. Eh ben oui, I don't know. Salut Philippe. Surtout avec moi quand je comprends rien à Ninja.